Nambal, la sueye, titi bloke, l'envole wo, si pafle la ke, la me vinweli, la me vexe, la me tombe pre, la me vingri, le pe pante, kikiye, kikiye. C'est ton camarade qui te gagne madame. Je remets madame dans pile. Mais je mène un bac pour dire, j'en veux qu'on t'a dit. Pour madame, ni pas balti coup de main, vous comprenez? Parce que mon second système de boutons dont dit j'en penché, yo changé ou. Allez, qu'il est au bagage l'autre, non? Incapable. Hein? Mais depuis que je marie avec madame, c'est un bel job. C'est qu'on bel appréhendement l'a touché. Tout ça que nous avons, c'est tout en paix. Tout ça le possède, c'est tout en paix. Paix cabane, paix matelas, paix frigidaire, paix radio, paix réchaud, paix bonne, paix gérant. Tout ça, c'est possédé, c'est tout en paix. Même si le bonjour, il n'est pas de la travail, il est à la caille, il est à la paix. Patron dit, ah, next up, bam, traka. Si je ne pas dégager, je me révoque, monsieur, le travail ne va pas marcher. Dans le lendemain, c'est descendre dans le travail. Paraît, il paraît, patron, fais l'observation. Monsieur vexé, monsieur Viredo, il dit le travail là. Là, la caille. Les rivets disent, chéri. Vous connaissez évoqué Marie ou Fia dit oui. Affaire évoquée à sa séance. C'est sauter dans la porte ça ou apporter dans la porte ça. Parce que les jeunes garçons sont capables de travailler. N'a pas travaillé pour vous, parce que les jeunes garçons sont capables. Oh. Mais ça fait femme dans répondre de ces gens. Mais pas parce que Fia connaît. C'est quand ils font de réserve dans la pour 800 dollars dans le cas. C'est ça qui fait répondre, c'est comme ça. Mais si tu ne connais pas que 16 centimes, il est tout monde, qu'on bouteille. Température a changé. Ce n'est pas ta même bagaille. Hein? Oh, il y aurait été là, arrêtez là. Il y a un misé dans le petit fond de réserve, il y a mangé, à manger. Petit fond de réserve a vite fini. Et puis, je ne sais pas comment aller la caille, il y a campé la brade en haut, la brade en bas. Pour le qui bol d'affaires pour la rue 5 gouttes pour le pot de la caille. Oh! Il y a des gars dans le jour, pas comprendre le matin. Quel est le papa là qui a mangé? Pas comprendre, nous disons, nous sommes faits comme ça. Je dis, ma chose malhonnête. Au coin de mon petit fond de réserve. Réserve a fini par rien comme fin manger lui. Il y a dit pas besoin de connaître. Parce que moi-même, depuis à l'âge de 9 ans, ma maman, je me suis toujours sans pas manger. C'est dans mon sel, ma vie subit ça. Et maman m'a dit pas les mains. Maman m'a dit Maria Sibyl, elle a dit que ça m'a fait faire. Là où est mon jour. Et sa maman m'a dit non, c'est ça. Je dis, ma chère, bon, pas que l'autre problème pour le faire. Étant donné tout le bagage dans la sans paix, nous avons vendu un peu de bagage, nous avons dégagé nous. Après ma travail, j'ai une garçon, nous avons remplacé. Il a dit pas de vendre, pas de vendre. Il y aura les pères à vendre, il y aura vendu l'argent passé. Il y aura les pères matelas, il vendu l'argent passé. Il y aura les pères frigidaires, il vendu l'argent passé. Il y aura les pères radios, il vendu l'argent passé. L'arrivée même, révoquer les pères bonnes, c'est lui-même qui a fait manger la lettre. Li révoqué Père Gérard. C'est lui-même qui a séclé la boule. Ah, tout le bagage n'a la fin, bon bagage rien qu'on a là. Il y en a gardé là. Oh, pour l'autre moment, maîtresse qu'elle apparaît, puis il demande de l'argent caille. Pas que c'est quoi dans la pour payer. Oh, je dis ma boîte caïwa, ma boîte caïwa. Mon vieux caille boit à peine. Ma première nouvelle caïwa, quand t'as promené sous moi, ma boîte caïwa. Les grands petits jours pas sous côté, tu as loué jour pas. Mais depuis que je suis dans la caille, je suis avec un petit nac. Avec un petit nac, mais toute la nuit, je suis pas à dormir. Je suis à prier. Oh bon Dieu, quand il y a une situation, trouvez-moi. Quand il y a des gens, trouvez-moi, même si je suis dormi sous le nac. Petit nac, je suis pas à dormir. Je suis pas à arrêter pour louer. Mais il est bien là, ça l'a dit. Il n'est pas allé, moi. Mais le patron, je suis un peu de non, peu frigide, non. C'est pas dans son nata, maman, la prépète des vieux bagages, ça. Oh! Et puis, je l'ai sorti. Là, je suis sorti, papa, je l'ai dégagé dans la rue. Et puis, je suis rentré avec mon camarade. Papa a dit, je ne sais pas où ça a passé. Je dis, mon chauffeur, je ne sais pas, papa, de nos vieux jobs, pas trop parler, mais forme tête, moi, je l'ai évoqué, moi. Ils ont bien dit, mon cher, maintenant, des jobs là, papa. Laissez-moi le mettre dans une. Là, là avec Joe, il mettait Joe dans le travail là. Oh, Joe voulait, Joe vient moi, Joe touche moi. Là, Joe touche moi. Et puis, il allait monter la caille. Là, il veut dire, chérie, mais Joe Marie, oui, il a vu les filles qui ne parlent pas de monter ni descendre. Joe dit, c'est ma route, Joe, oui. C'est ma route, Joe. Nous sommes touchés, nous passons faire provision, mais reste l'argent pour le baou. C'est alors qu'il a levé, il garde Dieu, et puis il embrasse Dieu, et puis il prend un petit bouche pour Dieu, il a pris un petit lasca au Dieu. Vous comprenez? Aïe, aïe, aïe. Ces jours-là, ils passent une bonne journée. Bonne journée, ils mangent prêt correctement. Oh, oh, 3 mois pas passé. Bon, on dit Dieu, au moins ça va passer. A faire pousser moi-même qui parle de marché, qui a fait provision, qui a fait manger. Je ne suis pas capable encore, non? C'est pour capable mon bon. Je dis, ma chère, mon malhonnête, pour moi, venir suis prêt pour ça me toucher. Je comprends, il va même assez pour nous vivre dans la caille là, pour m'apprêter 5, 6, 7, 8, 9 dollars là-dedans, je vais le payer au bon. Un bac est possible, il a dit, je ne vais pas besoin de connaître, c'est pour capable mon bon. Et puis, je vais vexer. Je dis, mon bon, non, mon bon. Maintenant, j'ai un petit bonjour, un petit bonjour, il coûte. Il est bon. Il est gras. Aïe, aïe, aïe. Je sens qu'il vient dans la plate, il est à l'aise. Je viens de remonter. Vous comprenez, il remonte. Par contre, ça passe. Maintenant, je viens de sortir. Maintenant, j'ai un petit bonjour. Il dit, allez, non. Même moi, pour le mari, dans le pied de table, même bien provision, je fais manger. Ma fini. Je même ça, je fais, je prends pour la fièvre. Il met ton compresse chico au sol avec l'aide évaporée sous tête. La frère là, avait donné le malade, il parle de travail. On va dire, t'en dedans. Petit bonhomme, même ça, il fait trier pour le mettre dans du feu. Il tue pour lui, il trempe lui. La frie pour lui. Joe, même a fait la navette pour cuisiner. Quand vous me dites, petit bonhomme, par contre, fait manger. Alors, la prête, la soi-disant, pour l'expliquer, petit bonhomme, ça pour le faire. Petit bonhomme, même intelligente qu'elle est. Bonhomme vient de la frie, il prend un petit soucoupe. li pon ti zizye, li bet nan souk plal pou del badyo. Dwa di wou, ma pa augmentation, ma pa augmentation, paske mwen pou fè travay yo. Ti bon nan de bemsye, ta kontan ou psye, ay ay ay. Oh, tu ap pou le manje ti vyan fri, ti vyan fri. Yon jou madan jo leve la fè che veni. E pi, jo si ta wap pizin. Ma kon sa kwa se do, jo kon lo amoun don ki monte li. Li pop li vete mese ti bon nan. Li fou ekol an ba l'ofis la. E pi ton ba fè ti bon nan radiografi. Radiografi, radiografi, radiografi. Men jo de kon ti piti gason ni, ki etan ti bout chemizet. Ti pita de gen de ti kabret nan meni, ou kompon avek ou ti kod la dan ni. Alok ti da vire ou nan kala brile. Awa, awa. Awa, et puis j'ai petit à tomber sous papa, en bas l'office, là, qui a fait petit bon dans la radiographie. Ou contre Timon, petit là, elle est beau. Mardi, mardi, mardi, mardi, mardi. Pendant ce temps-là, j'ai même besoin de petit habillé, ça le saute, ni pour ne pas répéter, ça le répéter. Ni pour petit habillé sous un poli, il regarde notre idiot. Ma pache sous le football pour vous, ma peine ou à jouer dans Récine, ou à venir nous jouer sélectionner, ou à voyager, ou à faire grand jouet, tout pour nous. Alors, face au petit à capable de piller, par là, il traverse dans la boutique en face. Là, il achète deux petits sachets de bonbons. Il chire des bonbons. Et puis, il pourrait nous mettre dans la bouche de Tidjo. Tidjo, ma prend les bonbons. Niam, niam, niam, niam. Mabdi. Mabdi. Mabdi. Mabdi. Mabdi. Mardi, pendant ce temps-là, maman vient paraître. Maman dit Tidjo, viens à côté maman ça gagne, viens dit maman, viens dit maman ça passe. Je dis comment ça passe, madame Joe Mabdou bagaille. Ouais Tidjo, si je quitte Tidjo demeure dans la salle avec vous, Tidjo pas qu'une invasion. Petit à ma perte, il n'y a pas qu'une invasion. Une série de bagailles qui passent depuis des mois dans Kaila, ou après les petits là pour venir dire ou pour venir raconter ou. Ma petite qui pour dans un, dans tripotaille. Maintenant je dis, oui, imbécile. Il dit là même qu'il y a même jazz là. Mabdi. Mabdi. Mabdi. À la fin, tu es vexé. Tu es même venu, non? Vite, dis maman. Dis maman, ça passe à non? On sait que les balles qui passent depuis des mois dans le pays là. Depuis des mois. Vous pensez que vous avez la photo, mais. Dis maman. Dis maman. Tout dit maman. Il dit là, dis maman, souhait. Maman, souwe maman, samedi ou ta fait avec voisin l'autre jour, c'est lui moi papa ma fati bon nan. Son cri montagne même ma baou.